Nous sommes donc avec nos invités que je vais vous laisser se présenter. Oui, moi c'est Marie Dimanche. Rencienne Saint-Michel, un plaisir d'être là pour cette émission. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis par ce boucan décolonial. Marie, est-ce que tu peux nous parler de cet événement? Certainement. Que tu organises depuis déjà plusieurs mois. Que, oui. Alors, c'est dimanche prochain, comme tu l'as dit, à 14h. Ça consiste en une causerie. Donc, il va y avoir 6 personnes, 6 panélistes, 3 personnes d'Haïti et 3 personnes des premiers peuples d'ici. Et les 6 sont des personnes qui luttent contre ce qu'on pourrait appeler l'injustice cognitive. Bon, je pourrais expliquer en gros c'est quoi, là. Ça consiste à cet déséquilibre entre le Nord et le Sud dans ce qu'on nous enseigne, dans le savoir qui est diffusé, dans cette notion même de savoir et de vérité qui généralement nous provient du Nord, nous provient d'Europe, nous provient de l'Occident. Et en général, donc, on parle autant dans les sciences sociales que les sciences de la nature, que tout ce qui s'appelle savoir, connaissance, généralement, c'est formaté suivant les normes européennes et on ne reconnaît pas ou peu les autres formes de savoir, des savoirs soit qui viennent d'ailleurs ou soit qui proviennent d'une autre, qui utilisent une autre forme ou une autre méthode ou une autre approche, ce qui fait qu'il y a une sorte d'injustice qui se crée entre les peuples du Sud et les peuples du Nord en termes du savoir tel qu'il est diffusé, par exemple, dans les universités, tel qu'il est enseigné. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, on va parler de ça, les 6 panélistes ensemble. Donc, ça dure jusqu'à 5h, puis à partir de 5h, il va y avoir un barbecue gratuit. Et puis là, ça va être convivial. On va continuer à discuter avec le public et avec les panélistes de manière conviviale. Alors, Rency, tu es sociologue, si on va bien. En tout cas, apprenti sociologue. Ouais, donc, apprenti sociologue. Et tu es dans un contexte où la sociologie est malgré tout très coloniale dans ton pays, qu'est Haïti. Ben, c'est pas juste la sociologie, je dirais, c'est l'essence sociale en général, dans le cas d'Haïti, qui est encore dans le creuset colonial. On n'est pas sorti de l'auberge coloniale. Donc, l'essence sociale s'enseigne et se pratique dans un contexte où, en tout cas, les structures universitaires sont encore coloniales. Donc, c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis en train de faire un travail là-dessus. Mon travail de mémoire, c'est sur la problématique de l'utilité du métier de sociologue en Haïti. Moi, j'estime particulièrement que c'est un métier qui manque un peu de pertinence par rapport à la réalité locale. C'est pas un métier, je dirais, qui est intégré dans la société suffisamment. Donc, je suis en train de voir qu'est-ce qui cause ça. En raison de quoi il y a cette panne, il y a ce déficit dans l'intégration de la sociologie en Haïti. Et mon hypothèse de départ, il s'agit d'une science, en tout cas d'une discipline qui est extravertie. Donc, c'est un concept majeur de Paul Aotonji, le concept extraversion vers le nord. Donc, pour moi, la sociologie en Haïti, telle que pratiquée et enseignée, elle porte le sceau de l'extraversion vers le nord. Est-ce que tu pourrais définir pour ceux qui le sauraient et celles qui ne le sauraient pas, c'est, ça veut dire quoi, extraversion? Ben, on peut prendre plusieurs éléments d'indicateurs. C'est d'abord, vous savez, il y a un système monde de la science et les pays du Sud, dont Haïti, on est dans la périphérie. Et quand on est dans la périphérie, on est théoriquement dépendant de la métropole. C'est la métropole qui est vue, en tout cas qui est validée comme le centre de théorisation, le centre de documentation. Donc, dans le cas d'Haïti, on est dans cette situation où on dépend de l'autre, on dépend de l'Occident pour se théoriser, pour avoir des références théoriques, pour questionner notre propre réalité, qui fait en retour ce savoir que l'on produit, quoi qu'on le produit à partir des données de la réalité, en retour, il y a une incidence que ça n'a pas vraiment sur la réalité locale. Donc ça, c'est un des éléments de cette extraversion vers le nord. Deuxième élément, c'est... On peut prendre, tu vois, tous les étudiants en général, ils ont ce rêve-là, cette obsession même d'aller étudier vers le nord. Et quand ils retournent dans la réalité locale, ils sont comme des répétiteurs, ils sont perdus, c'est comme coupés de la réalité locale, ils se contentent de répéter ce qu'ils ont appris en Europe, en Occident. sans vraiment avoir un effort de faire ce que Frantz Fanon pourrait appeler une pensée neuve pour questionner la réalité locale qui lui est propre. C'est le deuxième élément de cette extraversion vers le nord. On en arrive à constater ça, et après ça, on lutte contre ça. Alors, c'est ce que tu fais dans ta sphère de recherche? Bien, en quelque sorte, oui. Alors, je voudrais préciser tout à l'heure, je voudrais préciser que je fais partie d'un vaste mouvement qui lutte pour la science ouverte. C'est le projet SOA, Science ouverte en Haïti, en Afrique francophone. On est unis par une sorte, je dirais, d'utopie, une utopie concrète. Il s'agit d'une utopie qui se fonde d'abord sur une colère. Une colère par rapport à ce que je venais de dire tout à l'heure. Colère en ce sens que d'abord on voit qu'il y a une forme de disparité en termes économiques entre le Nord et le Sud, mais également colère par rapport à la manière dont la science normative, la science blanche en tout cas, la science telle que conçue par le positivisme, tend à traiter les savoirs des gens du Sud, les savoirs, par exemple, dans Haïti en tout cas, les gens du Sud. Cette utopie concrète se fonde également sur une quête ayant un souci, à savoir comment on peut amener en tout cas cette science normative, à devenir plus juste, à devenir plus humaniste, plus ouverte. Et nous mobilisons un concept essentiel dans cette utopie concrète par rapport à ce souci, c'est le concept de justice cognitive dont Marie parlait tout à l'heure. C'est un concept d'un anthropologue indien, Shiv Vishwanathan. Shiv Vishwanathan, pour lui, la justice cognitive, ça doit reconnaître le droit de différentes formes de savoir de coexister. La justice cognitive, elle exige la reconnaissance des savoirs, non seulement comme méthode, mais aussi comme mode de vie. Donc la connaissance, pour Shiv Vishwanathan, est considérée comme ancrée dans une écologie des savoirs où chaque savoir a sa place. Chaque savoir, que ce soit savoir scientifique ou non scientifique, savoir des autochtones, savoir, en tout cas les savoirs qui sont considérés comme étant des savoirs non scientifiques. Chez moi, je dirais les savoirs des paysans. Voilà. Donc, dans cette utopie où on est, à travers le projet SOA, nous interprétons ce concept qui est la justice cognitive comme un idéal épistémologique, éthique et politique qui vise l'éclosion de savoirs socialement pertinents partout et non pas seulement dans les pays du Nord, au sein d'une société qui pratique un universalisme inclusif, ouvert et à tous les savoirs. Donc, c'est ce que Marie disait tout à l'heure, un déséquilibre, en tout cas qui est né de cette domination d'une vision du monde issue des pays du Nord, et ce déséquilibre crée des situations d'injustice cognitive. Donc, à travers notre projet, à travers cette utopie concrète qui nous unit, nous sommes environ 2000, à travers l'Afrique, Haïti et le Québec également, nous identifions plusieurs cas d'injustice cognitive. Alors, il faut dire que nous interprétons ces injustices cognitives comme étant des difficultés auxquelles confrontent les chercheurs, les universitaires du Sud, de déployer le plein potentiel de leurs talents intellectuels, leurs talents de chercheurs, pour les mettre au service du développement local, durable de leur communauté. Donc, du nombre de ces injustices cognitives, on peut par exemple considérer l'accès fermé aux publications scientifiques. On a, dans le Sud particulièrement, on a de grandes difficultés d'accéder à un ensemble de savoirs scientifiques, même ceux-là qui sont produits par des chercheurs du Sud eux-mêmes. Deuxième élément des injustices cognitives, c'est les savoirs locaux qui sont exclus, qui sont méprisés, parce qu'ils sont tout simplement produits en dehors du cadre normatif de la science blanche, de la science conventionnelle. Il y a ce mur, deuxième élément d'injustice, c'est ce mur entre la science et la société. Dans notre projet, nous faisons le plaidoyer d'un outil que nous croyons capable de, en tout cas, réconcilier la société et la science. C'est ce que nous appelons la boutique de science. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Autre élément d'injustice cognitive, c'est la langue de la science qui est encore, je peux dire, coloniale. Les langues locales, sont méprisées. Par exemple, dans le cas qui me concerne en Haïti, il y a ce discours qui fait croire qu'on ne peut pas faire la science avec le créole. C'est pas normal, c'est pas, en tout cas, tout simplement, on ne peut pas faire la science avec le créole. La science, ça se fait en français. Autre élément très important, c'est des sciences cognitives, c'est ce que nous appelons, dans le cadre de cette utopie, la pédagogie de l'humiliation. C'est des professeurs, en tout cas, parce que eux, ils ont souffert pour avoir leur thèse, donc ils décident en retour de faire souffrir les étudiants, par exemple, en prenant beaucoup de temps pour lire leurs travaux, leurs thèses, en prenant du temps pour donner des notes, ou en pleine salle de classe de les traiter d'idiots, d'imbéciles. De toute façon, c'est une situation qui bloque un peu le potentiel de l'étudiant. Autre élément très important pour moi, et qui est lié au concept de Alton Gill, l'extraversion vers le nord, c'est l'aliénation épistémique qui est très très profonde chez nous dans le sud. Donc tout cela s'explique par rapport, je dirais, à la position périphérique d'Haïti dans le système monde de la science qui est dominé par une métropole constituée des pays comme les États-Unis, la France, le Canada, etc. Donc c'est ça notre utopie, voilà. Parmi ces problèmes, il y a les problèmes d'accès au texte accès à Internet, finalement. Il y a non seulement cette difficulté d'accéder au savoir scientifique, mais il y a un autre élément que j'ai omis, c'est la faible littératie numérique, et en tout cas, faible compétence numérique. Quand je parle de littératie numérique, c'est-à-dire la capacité de faire un usage optimal du numérique, de l'ordinateur, etc. Donc c'est une littératie qui est très faible chez les étudiants, les professeurs eux-mêmes. C'est pourquoi depuis environ 3 ans, à travers ce projet, j'ai lancé une initiative qui consiste à former, en tout cas à renforcer la littératie numérique des professionnels et universitaires haïtiens. C'est ce que nous appelons l'école d'été du numérique. C'est un événement annuel. Ça se fait tous les étés. Donc l'année dernière, on a eu la 2e édition qui était un grand succès. On l'avait fait grâce à... En tout cas, une grande coopération que nous avons avec plusieurs institutions québécoises. Par exemple, l'EPSI de l'Université de Montréal. L'EPSI, c'est l'école de bibliothéconomie des sciences de l'information de l'Université de Montréal. On l'a fait également avec la coopération de Wikimedia Canada et la Cinémathèque québécoise. Donc, c'était un grand succès. Donc, on va répéter ça cette année encore une fois. Tu nous parlais d'une boutique, je pense, du savoir. Une boutique de sciences. Des sciences. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Non, rapidement, c'est un dispositif qui fait le lien entre l'université et la société. Donc, des membres de la société peuvent avoir des besoins. Ils les expriment auprès de ce dispositif qui mobilise en tout cas des expertises, qui mobilise des compétences universitaires, traduisent ces besoins sous forme de questions de recherche pour pouvoir les résoudre. C'est ça, une boutique de sciences. Par exemple, au Canada, je crois qu'il y a une boutique de sciences à l'Université Laval qui a été créée par Florence Piron et ça avance très bien. Maintenant, on parlait du bouquin décolonial, puis là, c'est une question que je vous pose à tous les deux. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Ben, écoute, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Ça, c'est une de mes premières espoirs pour cet événement-là. Mais, écoute, moi, je trouverais ça vraiment intéressant qu'on puisse faire émerger les parallèles entre la situation du Québec, du Canada, so-called Québec et Canada, où on est encore sous une occupation coloniale à l'heure actuelle, active, et en Haïti, qui a fait son indépendance il y a plus de 200 ans, et de voir un peu les parallèles, c'est-à-dire la façon dont la colonisation des savoirs et même de l'esprit fonctionne de part et d'autre. Et puis, en fait, en Haïti, même si l'indépendance a été faite au niveau politique, encore là, pas tout à fait, ça n'a pas été fait à un niveau profond, c'est-à-dire culturel, au niveau de l'éducation, comme l'expliquait Renzi tout à l'heure. Et ici, ben c'est la même chose, finalement. Donc, les savoirs autochtones, par exemple, ne sont pas reconnus reconnues comme valides. On enseigne dans les universités en français ou en anglais, les langues autochtones. Ben maintenant, je pense qu'on commence à enseigner un peu plus en langue autochtone dans les écoles primaires, par exemple. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour revaloriser ces langues-là et revaloriser les savoirs de ces peuples-là. Et j'espère que lors de cet événement-là, on pourra faire émerger là, ces différentes réalités puis tracer là, des parallèles intéressants qui vont nous montrer, nous donner un portrait un peu plus global de la situation du colonialisme en Amérique. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Non. OK. Puis, comment ça se continue? Quelles sont les visions pour le futur en rapport avec cette décolonisation des savoirs? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et... Ouais. Votre vision à court, à moyen, à long terme par rapport à ça? Bien, on continue à réaliser des activités pour sensibiliser. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a encore une masse critique de gens qui ne sont pas encore conscients de ce genre de choses. Donc, on continue à agir, notamment dans ma communauté locale, Haïti, pour sensibiliser le plus grand nombre de gens par rapport à ces situations d'injustice cognitive, à ces situations de colonialisme scientifique. Donc, c'est là où on est en attendant. Donc, on continue, par exemple, on fait des actions très concrètes, par exemple, mise sous pied des boutiques de sciences, on réalise des colloques, on réalise des ateliers. Bref, comme je disais tout à l'heure, on continue à permettre aux gens d'être conscients, d'avoir cette conscience qu'ils, en tout cas, subissent une forme de ce que Fanon pourrait appeler du racisme épistémique. Et c'est pas une situation qui est perdue, on peut s'en sortir. On peut sortir, on peut émerger. Si tu prends le cas en Afrique, par exemple, il y a de grands efforts qui se font en ce sens-là. Voilà. J'aimerais préciser aussi que Renzi a fondé un réseau en Haïti qui s'appelle le Réseau des jeunes bénévoles des classiques des sciences sociales, puis il travaille en collaboration avec Jean-Marie Tremblay à Chicoutimi, qui a créé une bibliothèque en ligne pour favoriser le libre accès au savoir produit par des personnes d'Afrique, des personnes d'Haïti, de la francophonie là, africaine. Et puis, ben c'est ça, c'est une autre façon de lutter contre l'injustice cognitive. Donc, à travers ça, Renzi, avec d'autres bénévoles, ils cherchent des ouvrages écrits par des auteurs haïtiens, surtout des auteurs haïtiens dans ce cas-là, et ils vont numériser ces ouvrages-là pour les mettre en ligne, pour en faciliter l'accès et augmenter leur visibilité, leur diffusion, et ce aussi auprès, comme disait tout à l'heure Renzi, auprès des personnes qui viennent même de ces pays-là, qui n'ont même pas accès aux écrits, aux savoirs produits par les gens de leur localité. Donc, à travers cette plateforme-là, ça peut être une c'est un avenir. Je pense que ça ouvre vers un avenir meilleur en ce sens-là, une façon de lutter contre cette injustice. Et parlant de lutter contre l'injustice, puisque le Canada continue constamment à coloniser Haïti, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que Canadiens? Même si j'aime pas m'identifier en tant que tel, mais bon, c'est ce que nous sommes par ailleurs. Ben moi, j'ai envie de dire que déjà, une très bonne étape, ce serait déjà de peut-être justement aller sur cette bibliothèque en ligne et de s'intéresser à ce qui se dit, à ce qui s'écrit, à ce qui se pense ailleurs dans le Sud. Je pense à la base, il faut s'ouvrir l'esprit. Et ben justement, la conférence de dimanche, j'espère, permettra aux gens de prendre conscience de cette situation et d'avoir le goût d'en savoir plus sur ces personnes qui sont ni vues ni entendues en général dans nos sociétés du Nord en particulier. Donc, c'est ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on conclue? Ben, je voudrais ajouter des phrases de Frantz Fanon que j'aime beaucoup. Ce sera en même temps un appel que je veux faire à tous mes camarades du Sud. Allons, camarades, le jeu européen est définitivement terminé. Il faut trouver autre chose. Nous pouvons tout faire aujourd'hui à condition de ne pas singer l'Europe. À condition de ne pas être obsédé par le désir de rattraper l'Europe. Ne payons pas de tribut à l'Europe en créant les États, des institutions et des sociétés qui s'en inspirent. L'humanité attend autre chose de nous que cette imitation caricaturale et dans l'ensemble obscène. Si nous voulons transformer l'Afrique en une nouvelle Europe, l'Amérique en une nouvelle Europe, alors confions à des Européens les destinées de nos pays. Ils sauront mieux faire que les mieux doués d'entre nous. Mais si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons la porter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifesté, alors il faut inventer, il faut découvrir. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sous pied un homme neuf. J'aimerais juste ajouter une dernière chose après cette magnifique citation. On a lancé une levée de fonds pour l'école d'été numérique. Donc, Renzi soulignait l'importance de développer la littératie numérique en Haïti. Et ça s'appelle, donc c'est sur Facebook, c'est une collecte de fonds Facebook. Donc, collecte de fonds pour l'école, la troisième édition de l'école d'été numérique. Donc, si les gens ont un peu de sous disponibles, on vous invite à faire un petit don. Voilà. Bien, merci et on vous encourage fortement à faire des dons. Donc, merci beaucoup, Renzi et Marie. Et on vous encourage donc à aller à l'événement dimanche le 9 juin à la Coop Les Récoltes, 1679, 1681, Saint-Denis. Donc, de 14h jusqu'à 20h. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur l'événement Facebook. Puis souvent, ben, ça c'est jusqu'à 5h. Oui, c'est ça. On va manger du barbecue, puis jusqu'à pas d'heure. Ouais.